La prophétie par De Glanrin. Livre deuxième, Les deux mondes. Caléucho. Ma montre et le panneau d'affichage du hall de Roissy pour les vols en partance me donnent exactement les mêmes informations. Samedi 11 février 1984, 20h30, et le vol AA1578 Paris-Miami est toujours bien prévu pour 22h30. Cela devrait me rassurer, il n'en est rien. Il y a bien une trentaine de minutes que je suis assis sur ce banc face au comptoir d'enregistrement d'American Airlines et toujours pas de Nathalie. Depuis que je la connais, elle n'a jamais été en retard, à aucun de nos rendez-vous. Pour tout dire, elle est la précision incarnée, ce qui ne fait que raviver mon inquiétude. Il était 18h lorsqu'elle appelait de chez elle pour me confirmer qu'elle attendait son taxi, ajoutant en manière de plaisanterie qu'elle n'oublierait ni mon billet, ni mon sac de cabine, ni ma valise. Cette valise que nous avons faite ensemble la semaine dernière. J'entends encore son rire heureux. Plus qu'une heure et je suis dans tes bras. Je t'aime. Mon bagage africain, je l'ai laissé ce matin pour 10 jours à la consigne longue durée de la gare de Lyon. Et j'ai quitté le bureau tout à l'heure avec ma seule mallette, dans laquelle je n'ai même pas de brosse à dents. J'envisage déjà le pire. Le problème de dernière minute. Je ne peux d'ailleurs imaginer lequel, tellement je vois de possibilités de catastrophes. Si j'en crois le tableau d'affichage, nous avons encore une demi-heure avant la clôture de l'enregistrement. Pas d'affolement, elle va arriver. Seigneur, si elle avait au moins moyen de me contacter. On se calme, Marine, on se calme. Le problème est que je ne parviens pas à me calmer. Un comble, moi qui ai toujours ressenti comme apaisante l'ambiance de nuit d'un aéroport. Tout à l'heure, lorsque je me suis assis sur ce banc, j'avais encore la tête pleine des 3 semaines qui venaient de s'écouler après mon retour du Cameroun. Nous nous étions vus chaque midi, ou presque, dans ce petit studio qu'elle avait déniché à 2 pas de la station Tuileries. Le temps de faire l'amour comme des fous et d'avaler les sandwichs ou les plats emportés qu'elle ne manquait jamais d'amener, et notre heure de pause était déjà passée. 3 longues semaines à attendre avec impatience le moment du départ pour Miami. Ensemble, pour 10 jours de rêve. À la seconde même, où ne dominant plus mon angoisse, je sens que je vais me mettre à hurler, je la vois enfin. Elle pousse un énorme chariot avec nos 2 valises et les 2 sacs. Jamais, de mémoire de passager, on n'a vu Cali rouler aussi vite. Pour ne pas se faire renverser, nombre de personnes, le nez en l'air devant les tableaux d'affichage, sont obligées de s'écarter prestement, prévenues par des pardons et des « excuse me », que leur vie ne dépend plus que de leur agilité. Elle m'aperçoit alors que je cours vers elle, et ce moment de distraction est fatal au bolide qu'elle pilote. Le chariot se met en travers et se couche sur le côté. Valise et sac se retrouvent à terre, et je ne sais par quel miracle, elle réussit à ne pas s'étaler par-dessus tout ce fatras. En fait, le miracle s'est matérialisé sous la forme d'un grand costaud grisonnant en large imperméable mastic, les cheveux coupés en brosse. Toute la dégaine d'un militaire ou d'un policier d'un film de série B. J'arrive à l'instant où son sauveur amasse son sac et le lui tend. « Are you okay ?» De ce que j'entends de l'accent, sûrement un compatriote et vraisemblablement un Texan. Sourire gêné de Nathalie. « I'm fine, thank you. You're welcome. » Elle me présente d'un geste de la main. « My friend. » Le brave homme m'aide à redresser le chariot et à recharger les valises. Sa poignée de main me broie les phalanges. « Have a nice trip !» Je le remercie d'un signe de tête. Il s'éloigne avec un sourire digne d'une publicité pour dentifrice. Quelques secondes à nous regarder, incrédules et dans le même élan, nous nous jetons dans les bras l'un de l'autre. La prenant par la taille, je la soulève, la fais virevolter, et la repose au sol après 2 tours complets à lui picorer le visage de baiser. « Tu n'as rien ?»« Non, tout va bien. » Mais j'ai bien cru que je passais par-dessus le caddie. Sans ce cow-boy, c'est ce qui serait arrivé. Elle est ravissante, plus belle qu'elle ne l'a jamais été dans son manteau long, très épaulé. En dessous, sur son chemisier à jabot, elle porte une veste beige et un pantalon de cuir si souple qu'il s'ajuste à ses formes comme une 2e peau. Je la tiens à bout de bras pour mieux la contempler. On se mange des yeux et 2 bisous. C'est l'appel enregistré concernant les derniers passagers de notre vol 1-1-1578 pour Miami, qui nous ramène sur Terre. Je prends les commandes du chariot et nous nous dirigeons vers le comptoir des First Class, où une hôtesse nous accueille comme si nous étions les personnes les plus importantes de la planète. Passeport, billets. Pendant que la préposée met deux petites croix sur la feuille de notre plan de cabine, je demande. J'ai bien cru que tu voulais décoller avant même d'être dans l'avion. Mais, ton retard, que s'est-il passé? Elle rit. Une crevaison toute bête juste avant d'arriver. Je crois que si je n'avais pas eu les sacs et les valises, j'aurais fait le reste du chemin à pied. C'est d'ailleurs l'option que j'ai failli prendre en abandonnant les bagages. En tout cas, pour une arrivée discrète, c'était raté. Je n'ai jamais vu un chariot aller aussi vite. J'avais peur que tu t'inquiètes. Et tu avais raison. J'étais mort de trouille que tu ne viennes pas. En 10 minutes, j'ai imaginé des dizaines de scénarios, tous pires les uns que les autres. Quoi de plus glamour qu'un baiser devant un comptoir d'enregistrement? L'hôtesse qui nous tend nos cartes d'embarquement n'oublie les formules d'usage et reste bouche bée alors que je récupère les deux cartons. Dans le salon First Class, nous n'avons pas bien longtemps à attendre avant qu'une autre hôtesse nous appelle à embarquer. Je voyage beaucoup, mais c'est la première fois que je monte à bord d'un 747. Impressionnant. L'ambiance feutrée de la cabine de première classe nous accueille. Deux rangées de larges fauteuils cuir inclinables en position lit, groupés deux par deux. Éclairage très étudié, un vrai salon volant. Le chef de cabine qui nous reçoit nous conduit à nos places, à l'avant, à gauche. Nous sommes les derniers, et pourtant la cabine est loin d'être pleine, ce qui présage un vol tranquille où le personnel sera aux petits soins. Débarrassé de nos manteaux qu'une jeune hôtesse va ranger dans une penderie automatique après y avoir accroché le talon de nos cartes d'embarquement, nous nous laissons aller avec volupté dans les somptueux fauteuils de cuir, tandis qu'un steward range nos sacs dans les coffres au-dessus de nos têtes. Le décollage est prévu dans un quart d'heure, le temps de déguster quelques mini-toasts au caviar et une flûte d'un ruinard millésimé. Mon Dieu, il y a des moments où la vie est belle. Nous trinquons à notre amour. Ô temps, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Nathalie m'interroge du regard. Que dis-tu? Je lui répète les vers de Lamartine et lui explique que tout comme lui, j'ai un problème avec le temps qui passe. Elle me regarde en souriant, sa flûte levée. Ah oui, tu cites Lamartine. Logique. J'avais oublié. Tu n'as pas ton bac. Notre discussion littéraire est interrompue par les annonces d'usage et les démonstrations de sécurité précédant le décollage. L'hôtesse a débarrassé nos tablettes et les a escamotées dans les larges accoudoirs. Le roulage achevé, les moteurs montent en régime et la masse énorme du jumbo s'arrache du sol. J'ai tenu la main de Nathalie pendant tout le décollage. Pas une crispation, pas un frémissement. C'est assez rare pour être noté. Je me tourne vers elle. Les fossettes de son sourire et l'éclat de ses yeux. Là, je décolle vraiment. Le dîner est un moment de bonheur absolu. Nous nous mangeons des yeux pendant tout le repas et nos baisers viennent ponctuer chacune des bouchées de ce petit chef-d'œuvre gastronomique. Nous dégustons notre café dans un état proche de la béatitude. Je n'arrête pas d'embrasser sa main, caresser son visage, ses cheveux. Je n'ai pratiquement rien bu en mangeant, mais j'ai l'impression d'être complètement ivre. Son parfum, sans doute. Nous avons 11 heures de vol devant nous, et avec le décalage horaire, notre arrivée à Miami est prévue à 2 heures du matin en heure locale. J'en fais la remarque à Nathalie. Tu te rends compte? Quand nous arriverons à Miami à 20 heures, il sera 2 heures du matin pour nous. Elle rit. Je connais un excellent moyen de compenser très vite le jet lag. Le décalage horaire. Ah, et lequel? Sauter une nuit et faire une sieste d'une heure après le déjeuner. Et tu as certainement une petite idée de ce que nous pourrions faire tout au long de cette nuit blanche? Son sourire en dit long sur ce qu'elle a prévu. As-tu entendu parler de la 8e rue? À Miami, on parle autant espagnol qu'anglais, et l'on entend plus souvent dire « caler au chaud ». Je dois avouer que non. C'est la rue principale de Little Havana, le quartier cubain. À l'exception de l'extrémité ouest, qui est résidentielle, ce ne sont que cafés, boutiques, restaurants et boîtes de nuit, le plus souvent en plein air, où l'on danse la salsa jusqu'à l'aube. Avec la danse country, c'est la meilleure recette que je connaisse pour ne pas dormir à condition de ne pas trop forcer sur le Cuba Libre. Un cocktail de rhum brun, citron vert et coca. Mon air perplexe entraîne une question. C'est la vie nocturne qui te pose problème ou alors la country? Peut-être la salsa? Sans hésitation, country et salsa, que je dois savoir danser aussi bien que la valse. Alors je suis rassuré. Je n'ai jamais eu meilleur cavalier pour danser sur une valse de Strauss. Mais peut-être préfères-tu un farniente piscine au clair de lune? Sans hésitation aucune, la piscine au clair de lune. Mais dans l'immédiat, ça. L'hôtesse attend patiemment que nous en avons terminé avec notre bouche à bouche pour débarrasser. Un sourire et nos plateaux disparaissent, escamotés par une main savamment manucurée. Pour la suite, c'est toi qui décideras. Tu es la mieux placée pour savoir ce qui est incontournable quand on vient à Miami. D'accord. J'ai une petite idée, mais tu sais, je crois qu'il faudrait essayer de dormir en prévision de la nuit qui nous attend. La valisette de première classe offerte par American Airlines, outre les accessoires indispensables, contient aussi un pyjama. Nous nous isolons dans les spacieuses cabines de toilette pour nous changer, puis revêtus des mêmes pyjamas bleus, revenons à nos fauteuils que les hôtesses ont transformés en lits douillets. Nathalie s'endort la première. Je contemple son visage détendu, le sourire heureux au coin de ses lèvres, et dire qu'à cause de ma stupidité, nous avons bien failli ne pas être là. Notre première dispute. Discussion assez tendue et coup de colère de Nathalie qui m'a planté dans le studio où nous nous retrouvons chaque midi. Le soir, je suis allé l'attendre devant le portail de son immeuble pour lui demander pardon. Réconciliation en pleurs dans le box de son garage. Ses baisers ont le goût des larmes qui inondent son visage. Elle me fixe de ses grands yeux bleus où passent encore quelques nuages. John, j'ai ta parole. Tu ne me feras plus jamais ça. Je ne veux plus. Plus jamais qu'il soit question d'argent entre nous. Tu as ma parole, Nat. Tout avait pourtant bien commencé ce jour-là. Elle était arrivée au studio juste après moi, toute heureuse et affichant un petit air de conspiratrice. Comme à l'accoutumée, nous échangeons une tonne de bisous avant même que nous nous soyons dit bonjour. Elle prend à peine le temps d'enlever son manteau et sa veste. Devine ce que j'ai reçu ce matin au bureau. Je réfléchis un instant et donne ma langue au chat. Elle ouvre son sac et en retire deux petites pochettes cartonnées qu'elle me tend. Deux allers-retours Paris-Miami-Paris du 11 au 21. C'est dans 10 jours. Avant même de regarder les billets, je l'enlace et l'embrasse comme un fou. J'ai tant rêvé de ce voyage. Je retire un billet de sa pochette, je lis et relis. Le prix en bas à droite, le choc. Mais, c'est en first class. Elle rit de voir ma tête. Oui, pourquoi? Tu as l'air déçu. Je n'ai pas réussi à trouver un jet privé. En cette saison, ils sont surbookés. À son tour de faire une drôle de tête en voyant que je ne réagis pas à sa plaisanterie. Bien au contraire. Mais Nat, bon, ce n'est pas grave. Mais je ne pourrai pas te rembourser tout de suite. Elle fronce les sourcils. Me rembourser? Mais il n'en est pas question. C'est moi qui t'invite. Je la regarde, stupéfait. Déjà, tous les vêtements que tu m'as achetés. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter... Elle me coupe la parole, visage durci. Je ne lui avais jamais vu une telle expression. Sa voix est sèche. Ah bon? Je croyais que l'on s'était promis de ne plus remettre ce sujet sur le tapis. Alors comme ça, ce n'est pas possible. Et pourquoi donc? Je bégaye. Mais parce que je suis un homme qui... De nouveau sa voix qui claque. Elle me fixe intensément. Si le rôle était inversé, et que c'était toi qui avais les moyens de payer ce voyage, je devrais donc le refuser? Mais oui... « Mais non, ce n'est pas pareil. » Elle enfile sa veste et à la volée, ramasse sac et manteau. Elle est déjà à la porte avant que je n'aie pu réagir. « Ah oui, bien sûr, ce n'est pas pareil. Sans doute parce que tu as un pénis et des testicules entre les jambes, attributs dont je suis dépourvu et qui font de toi un être supérieur. » Elle n'a même pas fermé la porte. Complètement KO, je reste médusé, les deux billets au bout des doigts. Je n'avais jamais vu Nathalie en colère, mais là... Je crois que c'est très haut sur l'échelle de Richter. Je suis tellement sonné que ma seule réaction est de m'asseoir sur le lit. Mes doigts s'ouvrent, les deux billets tombent sur le parquet. Je vais mettre 5 minutes avant de reprendre mes esprits, me maudissant d'avoir cédé à un conditionnement, faisant de la plupart des hommes de stupides coqs orgueilleux qui se croient déshonorés si la femme qu'ils aiment a des moyens financiers qu'ils n'ont pas et les couvre de cadeaux. Je retourne au bureau dans un état second et la première chose que je fais et d'essayer de la joindre sur la ligne directe à l'ambassade. À deux reprises, son assistante me répond qu'elle n'est pas disponible. J'ai quitté le bureau aussi tôt que possible et de peur de la manquer, j'ai foncé comme un fou dans les couloirs du métro. J'ai bien dû attendre une demi-heure dans le froid avant d'apercevoir sa voiture. Elle en est sortie comme un diable d'une boîte et s'est jetée dans mes bras. Entre ses « Pardon d'avoir réagi comme une idiote. Aimé, pardon de t'avoir blessé. » Nous sommes restés 5 bonnes minutes sur le trottoir à nous embrasser et à nous caresser les cheveux, le visage. Son visage qui, maintenant, est à quelques centimètres du mien. Les yeux clos, elle dort paisiblement. Je m'endors à mon tour, sa main dans la mienne. Les sonorités de jazz, de salsa et de country plein la tête. J'ouvre les yeux en même temps que Nathalie. Je ne sais comment elle fait pour être aussi fraîche au réveil. À part sa crinière ébouriffée, on dirait qu'elle sort de sa salle de bain. Le temps de nous rafraîchir et de nous changer, et l'Amérique n'est plus très loin. Ce que me confirme un rapide coup d'œil par le hublot. Dans l'obscurité, je vois briller la lumière de Miami. Une annonce du commandant de bord nous prévient que le 747 amorce sa descente. Nathalie a les yeux qui brillent. Je suis tellement heureuse de te faire découvrir mon pays et la ville où j'ai vécu une partie de mon enfance. En fait, j'ai vécu toute mon adolescence non loin d'ici à Melbourne, près du Cap Canaveral où papa travaillait. Il est 2h05 du matin en heure locale lorsque les roues du Jumbo touchent la piste de Miami International Airport. Un des avantages de la First Class est d'avoir un espace dédié aux formalités d'arrivée qui limite sérieusement le temps d'attente pour le passage de l'immigration et la récupération des bagages. Chez Hertz, c'est un préposé affable et volubile qui nous remet les clés d'un cabriolet Mustang rouge aux dimensions impressionnantes que Nat a loué depuis Paris. Ce n'est qu'une fois arrivé dans le parking que j'en prends conscience. Nous avons bien changé de continent et de climat. Hors des bâtiments hyperclimatisés de l'aérogare, la chaleur paraît étouffante. Il ne fait que 23 degrés, mais le taux d'humidité doit avoisiner les 95%. Manteau et veste atterrissent sur le siège arrière. Le temps de charger nos bagages et, en route pour la villa, qu'un ami cubain met à la disposition de Nat chaque année à la même époque pendant qu'il est en Californie chez ses enfants. Dans l'avion, elle m'a longuement parlé de ce vieil ami de ses parents. Il l'a connue petite fille et la considère vraiment comme de sa famille. Tout comme à Paris, c'est un habitué que Nathalie conduit sur cette highway qui dessert l'aéroport et le centre-ville. Plus loin, vers la côte, les constructions sont de plus en plus importantes. Et de ce que je peux en voir avec toutes ces tours illuminées, Miami est une très grande ville. Malgré l'heure matinale, la circulation est encore relativement dense. Nathalie m'explique qu'entre touristes et populations locales, Miami est une cité de noctambules. À cette heure, les boîtes et les restaurants sont encore pleins et l'heure de pointe pour un week-end se situe vers 6h du matin lorsque le gros des fêtards quitte les discothèques où l'on a dansé toute la nuit. Nous ne resterons pas bien longtemps sur l'autoroute, tout au plus 5 kilomètres. Empruntant la première sortie et comme si elle faisait ce trajet tous les jours, Nathalie s'engage vers le sud, vers la 8e rue. Nous y sommes très vite. Virage à gauche. Mon guide me dit qu'il s'agit du quartier résidentiel de Little Havana, d'où le peu d'animation à cette heure-ci. Plus loin, vers le centre-ville et les plages, c'est encore l'affluence. Après avoir ralenti, elle se déporte sur la voie de gauche et s'arrête devant le portail d'une villa que l'on aperçoit derrière les arbres d'un jardin à la végétation plutôt fournie. Comme s'il nous attendait, un vigile sort par le portillon et s'avance vers nous. Nul doute qu'il nous a identifiés. Un sourire, un bref salut, un signe de la main à son collègue resté à l'intérieur. Le portail coulisse en bruit sur son rail. Nathalie connaît manifestement les lieux et stoppe sur un petit parking à gauche de l'entrée principale de la maison. Nous avons à peine le temps de descendre de voiture et d'ouvrir le coffre qu'un homme au teint brun et aux cheveux gris se précipite à notre rencontre. Nathalie lui tend la main. « Fernando, buenos días, ¿cómo estáis ?» L'échange se poursuit en espagnol, langue que Nathalie maîtrise aussi bien que le français, le gaélique et sa langue maternelle. « Bonjour madame, monsieur. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je m'occupe de vos bagages. Si vous avez soif ou faim, j'ai préparé un plateau dans le séjour. Merci beaucoup, Fernando. Mais avec le décalage, nous attendons l'heure du déjeuner pour manger quelque chose. Très bien, madame, je préviendrai Inès. Le samedi, elle arrive à 10h. Elle vous préparera un petit déjeuner. » « Merci, Fernando. Nous verrons avec elle. Bonne nuit. » L'intérieur de la maison est aussi luxueux que le laissait présager l'extérieur. dont les sols sont en marbre, entrée spacieuse, distribuant un bureau et une bibliothèque, séjour immense avec de larges baies donnant sur une terrasse, au-delà de laquelle une très grande piscine encore illuminée n'attend que nous. À l'étage, la chambre d'amis est au fond d'un large couloir. La pièce fait au minimum 50 mètres carrés. Lit king size pour le coin chambre, canapé cuir, table basse en bois massif et minibar pour le coin salon, où nos sacs et balises ont bien été déposés par Fernando. La salle de bain est à l'unisson avec une superbe douche à l'italienne et un grand jacuzzi en marbre. Le dressing, quant à lui, pourrait contenir tout le stock d'une boutique et le resterait encore de la place. Une immense baie, prenant toute la largeur de la pièce, donne sur un balcon si large qu'il s'apparente davantage à une terrasse. La terrasse, donc, est meublée d'un salon de jardin en teck et surplombe directement la piscine, sertie comme un saphir dans un superbe jardin tropical. Tout au fond, à quelques 200 mètres, un mur d'une hauteur imposante clôt la propriété, le même que celui donnant sur la rue. Il doit certainement faire le tour de la villa. Depuis que nous sommes arrivés, subjugués par la splendeur et le luxe de l'environnement, je n'ai pas ouvert la bouche. Nathalie non plus d'ailleurs. Elle m'observe en silence. Je m'approche, lui prends les mains. Je ne sais pas quoi dire, c'est somptueux. Du bout de son index, elle effleure mes lèvres. Alors ne dis rien. Piscine ou jacuzzi? Je l'enlace. Pourquoi pas douche et piscine? Sa bouche est douce et sucrée. Nous nous séchons avec de douces caresses et j'avoue m'attarder quelque peu sur ses seins magnifiques. Ses tétons ont instantanément durci et lorsque plus tard nous refermons la porte, la salle de bain résonne encore de l'écho de la tendre folie qui nous a emportés. Nathalie a beaucoup ri de ma réflexion. C'est la première fois que je fais l'amour en Amérique. Quelle chance tu as! Et en plus avec une Américaine! Que dirais-tu d'une autre première? Faire l'amour avec une Américaine dans une piscine américaine? Je la regarde avec un petit sourire mi-figue, mi-raisin. Oh, tu veux dire, dans une piscine tout court? Elle ne relève pas la pointe de tristesse qui perce dans ma voix. Son regard est très doux lorsqu'elle m'embrasse. Tiens, prends un peignoir. Je crois qu'on se passera de maillot. On a d'abord nagé côte à côte pendant quelques longueurs, plongeant parfois pour jouer à se frôler sous l'eau comme des dauphins. Dans cette eau bleue irisée des reflets d'or et d'argent des mosaïques éclairées par les projecteurs de la piscine, j'ai l'impression de voler. Vide dans mes poumons, je me pose sur le fond. Nathalie flotte au-dessus de moi, et à chacun de leurs battements, les ciseaux de ses jambes laissent entrevoir une fleur si finement ciselée que même la plus délicate des orchidées paraîtrait n'en être qu'une esquisse. Elle plonge pour me rejoindre. Dans cette ambiance irréelle, ses yeux sont encore plus bleus et ses cheveux flottent autour d'elle comme une couronne d'algues blondes. C'est le baiser sous-marin le plus torride qui soit. Puis de l'index, elle me fait signe de remonter. Lorsque nous renouons ensemble à la surface, je suis tout contre elle, et elle ne peut rien ignorer de mon état. Doucement, nous nageons vers les marges de mosaïque où elle se hisse pour mieux s'offrir à ma bouche qui, à peine l'a-t-elle frôlée, lui arrache un doux gémissement. Plus tard, bien plus tard, ce sont de petits cris étouffés qui troublent le silence de la nuit. De petits cris dont la cadence augmente avec le clapotis de l'eau et qui m'obligent à la museler de mes lèvres pour ne pas que son chant d'amour réveille le voisinage. À l'instant où la vague nous emporte, ses bras noués sur ma nuque et ses jambes autour de mes reins m'attirent en elle avec une force incroyable, un tremblement agite tout son corps, sa tête part en arrière et ses yeux se révulsent. Dieu, comme elle est belle! Sa peau couverte de perles d'eau est parcourue d'un dernier frisson. Elle se fait lourde entre mes bras, et je ne sais si ce sont des larmes ou quelques gouttes d'eau qui roulent sur ses joues. Son regard est si tendre et si émouvant que je ne peux me détacher d'elle. Nous restons de longues minutes à nous regarder au fond des yeux, nous caressons le visage du bout des doigts. Puis, d'un même élan, nous replongeons dans l'azur liquide où, je ne sais par quel miracle, il semble que je pourrais rester des heures sans jamais remonter à la surface. Une longue séquence câlin sur des transats aussi larges que confortables, et la fatigue commence à se faire sentir. Lorsque je la prends par la taille pour entrer dans la maison, derrière nous, juste au-dessus du mur d'enceinte, une pâle lueur laiteuse marque la naissance de notre premier jour à Miami. Le grand lit nous accueille avant même que les premiers rayons du soleil ne viennent lécher les carreaux de la terrasse éclaboussés par nos ébats, bras et jambes mêlés, nous sombrons dans un profond sommeil. Une sensation exquise me réveille, celle des doigts de Nathalie dans mes cheveux. J'ouvre les yeux, et c'est comme si je m'éveillais au paradis. Un ange aux yeux bleus penché sur moi me sourit tendrement. Appuyé sur un coude, elle me regarde avec tant d'amour. Ses doigts effleurent mes lèvres. « Bonjour, John. J'ai rêvé que j'étais une petite sirène qui faisait l'amour avec un dauphin. Mais quand je me suis réveillée, tu évoquais davantage un pirate des Caraïbes qu'une créature marine. Mais Barbe Noire, ça me va aussi. » Elle s'allonge contre moi le nez au creux de mon cou. « As-tu bien dormi ?»« Bonjour, Nat. » « Oui, c'est fou ce que cette petite sieste m'a fait du bien. » Son rire achève de me réveiller. « Une petite sieste. Sais-tu seulement l'heure qu'il est ?»« Non. » »« Il est midi et nous avons dormi 5 bonnes heures. Allez, debout, paresseux. Inès doit nous attendre pour le breakfast. » Le temps de nous rafraîchir et d'enfiler shorts et t-shirts, et nous voilà prêts à affronter une journée qui s'annonce aussi prometteuse que le soleil est haut dans un ciel sans nuages. Effectivement, Inès est bien là. Une sympathique jeune femme brune avec sa robe de service gris clair à manches courtes, agrémentée d'un col blanc au décolleté très sage. Les salutations d'usage échangées et les présentations faites, Inès propose de nous servir un petit déjeuner sur la terrasse. La piscine est très calme et rien ne peut laisser deviner ce qui s'y est passé cette nuit. Même les serviettes et transats ont été changés. Tout à l'heure, je n'avais pas remarqué le store électrique à la toile réfléchissante. Une rampe de brumisateur complète le dispositif. Notre petit déjeuner est servi à côté du gigantesque barbecue sur une grande table en teck qui pourrait accueillir une bonne douzaine de convives. Jus d'orange, saucisses, brouillées au bacon, pancakes et marmelades arrosées d'un délicieux café sont au menu, avec en prime une salade de fruits tropicaux, mangue, papaye, ananas, litchi et autres délices. La dernière bouchée avalée, Nathalie s'étire comme une chatte repue, puis me reprend la main. Tu ne peux pas savoir comme ça fait du bien de retrouver son pays. J'ai beau être parfois très critique quant à la mentalité de mes compatriotes, j'ai besoin de replonger de temps à autre dans ce qui a façonné toute mon enfance. Que dirais-tu de visiter la ville en fin d'après-midi? Elle jette un coup d'œil au thermomètre accroché au mur derrière nous. 28 degrés pour un mois de février, c'est une chance, autant profiter. Elle se lève comme mue par un ressort. « Allez, viens, on va se mettre en maillot. » Pas question de faire du nudisme sur la terrasse avec Inès dans la maison. Elle semble tout à coup se rappeler quelque chose et marque une hésitation. Je l'interroge. « Qu'a-t-il ? » ?»« Je pense à ma proposition de visiter la ville. » Pour un Européen habitué à tutoyer l'histoire à chaque coin de rue, tu risques d'être déçu et de la trouver un peu trop, comment dire, un peu trop moderne, un peu trop neuve, sans beaucoup d'âme. Je suis certain qu'il en a une. À toi de me la faire découvrir. Et puis si l'Amérique ressemblait à l'Europe, ce ne serait plus l'Amérique. Bon, maintenant il est vrai que je suis plutôt un rat des champs qu'un rat des villes et que... Elle fait des yeux ronds. Un grand point d'interrogation peint sur le visage. Un rat des champs, un rat des villes. Je ne comprends pas. Je lui explique la fable de Jean de La Fontaine. L'expression passée dans le langage courant. Elle fait une moue dépitée. Et moi qui croyais parler français correctement. Je lui souris, prends ses deux mains, les embrasse l'une après l'autre. Si je voulais imiter le langage du XVIIIe siècle, je pourrais dire « Plutôt ciel que je pratiquasse l'anglais aussi bien que vous, le français, madame. » Elle rit comme une folle. « Mon Dieu, c'est vraiment du français, ça. » « Oui, mais la mode il y a 3 siècles. »« Bien, si maintenant on plongeait dans une piscine du XXe ?» Elle m'entraîne par la main vers les escaliers. Maillot et peignoir de bain. Je suis prêt en 5 minutes, alors qu'elle s'attarde dans la chambre. Elle est dans le dressing dans lequel je l'entends ouvrir les tiroirs l'un après l'autre. Sans doute le choix cornélien du maillot. « Ne m'attends pas, descends, j'arrive tout de suite. » J'obtempère sans discuter. Arrivé près de la piscine, je remarque que les transats ont été déplacés dans un coin. L'endroit le plus frais où le soleil ne donne sans doute jamais. Je me débarrasse de mon peignoir, étale une serviette sur chacun des transats, et pose mon appareil photo sur une table basse. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. La silhouette de Nathalie s'encadre dans la baie qui donne sur le séjour. C'est le même choc que lorsque je l'ai vue pour la première fois rue d'Onou. En même temps que mon estomac se noue, une violente crispation me prend le bas du ventre. Elle est magnifique, splendide, merveilleuse, délicieuse. Mon Dieu, aucun mot ne peut décrire tout ce qu'elle est en ce moment précis. Conscient de l'effet produit, elle s'immobilise un instant dans l'encadrement de la baie, puis lentement, de sa démarche de danseuse, vient vers moi son peignoir à la main. Elle porte un maillot, une pièce rouge carmin satiné, au soutien-gorge plissé très sage. Ce qui est moins sage, beaucoup moins sage, c'est le bas vraiment très échancré, à la mode brésilienne. Ses cheveux sont tenus par un foulard de satin jaune qu'elle a noué comme un serre-tête. Aux pieds, des mules à petits talons. Elle est divinement belle. Je reste sans voix, incapable de détacher mes yeux du rêve qui s'avance. Elle laisse tomber son peignoir sur un des transats, noue ses bras autour de mon cou et entreprend un bouche-à-bouche sans doute destiné à me réanimer. Sa langue a un goût de mangue et de fruit de la passion. Elle me rend mes lèvres, se recule légèrement. « Tu te souviens, il y a un mois, la façon dont tu m'avais regardé rue d'Onou ?»« Oui, j'avais un regard de prédateur. »« Ce n'est pas tout à fait ça, mais peu importe. »« Là, tes yeux sur moi, tu m'as fait éprouver les mêmes sensations. » Je passe ma main sur sa joue, dans ses cheveux. « C'est aussi exactement comme ça que tu viens de me regarder parce que j'ai ressenti la même chose qu'à Paris. » Celle d'une main invisible me broyant les organes. Elle fait les yeux ronds. Les organes, tu veux dire? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Elle rit, s'allonge et tapote la place à côté d'elle, m'invitant à la rejoindre. Jesus Lord, j'espère qu'il n'y aura pas de séquelles. Je ris et caresse ses lèvres du bout des doigts. Je lui vole un baiser et prends l'appareil photo. Sais-tu pourquoi beaucoup d'Africains refusent de se laisser photographier? Non, dis-moi. Parce qu'ils pensent qu'avec leur image, on capture leur âme. Ai-je la permission de capturer ton âme ? Elle prend une pause très sensuelle. Oui, my French lover. Capture-moi tout entière, pour te souvenir où que tu sois, que je suis, et ne serai jamais qu'à toi.